Maroc foulé. Ok. J'ai vu la mer, de bord de la mer, la vie sous goût amer, frère, mais nique sa mère. C'est les vacances sur l'Oder, gros. Pendant que les petits mendient au McDo, les gangsters de France fument du bédo et gèrent des numéros avec l'euro. Loin de la banlieue, on fait ce qu'on veut, on est heureux sur la plage, frère. J'ai transformé ma rage en graisse à traire. Merde, j'ai les nerfs pendant deux secondes. Quand je pense qu'hier, j'ai éclaté deux mois de salaire de mon oncle. Pendant que les sœurs font les belles, font les ongles. Les cousines ils me préparent leur soirée à faire des bons. Les darons grondent, les darons tapent des poses à la James Bond. Hack sur les ondes comme dit l'autre du shit sous les ongles. Merde des blagues, j'ai les nerfs. Le petit taxi a voulu me taxer, contraint de lui retirer les molaires. Bienvenue dans le pays du pilon et de la prostitution où les ex-colons continuent de nous briser le colon. Pendant qu'on se la pète, les darblés ont pété des boulons. On pétait des boulons, ouais vas-y check. Oublie tes chèques, y'a de la schneck. Le son défonce comme un gros béton du bled. Maroc foulec, au mois d'août c'est de la boulette. Casablanca, Meknes, Marrakech, Marzès, vas-y check. Oublie les chèques, y'a de la schneck. Le son défonce comme un gros béton du bled. Maroc foulec, au mois d'août c'est de la boulette. Casablanca, Meknes, Marrakech, Marzès. Sur la flingue et la colombe, avec le dirham, appelle-moi Extof Colon. J'ai trouvé le repère du chétan au mois d'août. Ça chauffe comme en enfer sur le macadam. Et s'il y a pas de schneck, c'est dramatique. Nique sa mère, on prend la route, soir ce. On change de ville ici quand on se fait gré avec une table. On graisse la pâte au moustachu. Pendant que le zinc se cache pour marcher avec sa meuf, lui grimper dessus. Sinon, à part ça, y'a des boîtes, on dirait Ibiza. Tu regardes les hôpitaux, tu sais pourquoi ils veulent le visa. C'est pas une visa, mais nique sa mère, on habite pas ici. À tous les Mknessi, j'envoie une face du Val d'Oise. J'ai le cul resté ici, mais la tête à Sergi Pontoise. Parle, mais je suis le premier à m'amuser. Puser les cousines du sud pour pouvoir en abuser. Dédicace au quad au jet ski, au papagaï, au platinum, au zaki. Mais le minimum où tu laisseras les boyaux. C'est un coup sur le boulevard, ça fait déroutement d'un Kawasaki. Manda Kawasaki. Ouais, vas-y, check. Oublie tes chèques, y'a de la schneck. Le son défonce comme un gros béton du bled. Maroc foulec, au mois d'août c'est de la boulette. Casablanca, Meknes, Marrakech, Warzaz, vas-y, check. Oublie les chèques, y'a de la schneck. Le son défonce comme un gros béton du bled. Maroc foulec, au mois d'août c'est de la boulette. Casablanca, Meknes, Marrakech, Warzaz.